Le maréchal Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de Madame Kim Sung-ho, habitant la 8e subdivision de la commune de Sangji de la ville de Fitun, province du Sagan.